Bonjour messieurs, dames, je fais partie de la nouvelle génération année 2002. 2002 ! Je suis là pour vous faire écouter une jeune star année 89. 89. Que j'ai découvert il y a pas longtemps. Avec son album Souviens-toi, elle espère un jour venir sur scène et vous interpréter, écoute ses chansons. Merci. Ce morceau, je dédicace à l'ange que j'imagine, pas infidèle, virtuel, le genre d'homme pour qui j'espline. Je sais pas si tu vois le délire, te noyer dans ses yeux. Elle lui dit oui devant son sourire pour le meilleur et pour le pire. Avancer nous deux dans l'avenir sans jamais se retourner. Être heureux sans jamais se quitter. Toi et moi jusqu'à la mort, la même vie, les mêmes efforts. Tu seras le seul bébé, le seul à toucher à mon corps. Impossible à te remplacer, dans ma tête il sera gravé. Dans mon cœur sans erreur, j'aimerais te connaître par cœur. Connaître tes défauts, mais surtout tes qualités. Quand je te verrai, ça c'est sûr, je ne pourrai pas te rater. Du mec idéal, celui qui saura m'aimer et qui jour après jour sera toujours à mes côtés. Je rêve de ce mec qui saura me rattraper si par mégarde il m'arrive de tomber. Tu seras mon idéal, le plus précieux. Tu seras le plus cher, simplement à mes yeux. Toi et moi pour la vie, je dirai ça jusqu'à ma mort. Et quand je dirai ça, ce sera sans remords. Tu seras mon idéal, le plus précieux. Tu seras le plus cher, simplement à mes yeux. Toi et moi pour la vie, je dirai ça jusqu'à ma mort. Et quand je dirai ça, ce sera sans remords. Il est juste de discret parce que trop de personnes s'amusent avec les sentiments. Et finalement nos cœurs se changent en pierre et se recouvrent de ciment. Du mal à dire ce qu'on pense pour compenser les regrets. Mais au fond de moi, je sais que je t'aime et je t'aimerai jusqu'à la mort, ne sait pas. Tu resteras dans mes bras et même après ça, j'espère qu'au paradis on se retrouvera. Seul le destin nous dira si on mérite ou pas de s'y retrouver, toi et moi. De toute façon, je te suivrai même en enfer, crois-moi. Car tu seras l'homme de mes rêves et que je serai l'homme de toi. Tu seras mon idéal, le plus précieux. Tu seras le plus cher, simplement à mes yeux. Toi et moi pour la vie, je dirai ça jusqu'à ma mort. Et quand je dirai ça, ce sera sans remords. Tu seras mon idéal, le plus précieux. Tu seras le plus cher, simplement à mes yeux. Toi et moi pour la vie, je dirai ça jusqu'à ma mort. Et quand je dirai ça, ce sera sans remords. Je cherche jour après jour celui à condamner sur le chemin de l'amour. Celui qui pour la vie sera prêt pour moi, pour que main dans la main, on suive le même chemin. J'ai déjà préparé, là tout au fond de moi, les mots que je pense tout bas, que je ne dirai qu'à toi. Cette chanson elle est de moi, rien que pour toi. Tu seras, tu seras. Tu seras mon idéal, le plus précieux. Tu seras le plus cher, simplement à mes yeux. Toi et moi pour la vie, je dirai ça jusqu'à ma mort. Et quand je dirai ça, ce sera sans remords. Tu seras mon idéal, le plus précieux. Tu seras le plus cher, simplement à mes yeux. Toi et moi pour la vie, je dirai ça jusqu'à ma mort. Et quand je dirai ça, ce sera sans remords. Tu m'écoutes bien, car c'est peut-être pour toi. De toute façon, je sais que je te trouverai. Je te trouverai. Et je le sais, que je te trouverai.